Hey, Sidney, t'as-tu fini la toune, man? Ah, bientôt, là, il manque juste une ligne. Le jour que j'ai arrêté de fumer, ben je m'en rappelle plus, j'étais trop sous. Pis quand j'ai recommencé à fumer, ben je m'en rappelle plus, j'étais trop sous. J'ai beaucoup de gros trop au cou à cause de mon pote auquel je me suis trop attaché. J'ai les canaux déplacés. Crève, j'ai encore craché ma trachée. Mais c'est pas grave, rien peut me séparer de mon pote. Même si cette année j'ai cop de constamment égarer mes clubs, j'ai rien qu'à préparer un coffre égrené pour étaler mon pote. Je roule, je fume. Slash, c'est temps de s'éclater au chat. Ça rentre comme un fusil, je l'ai comme une balle pété d'aplomb, je peux vous le dire de bien des façons. En gros, on dirait que c'est mon cerveau qui soutient mes talons, puis mes reins sont marrons. Trop bu d'alcool dans ma vie, j'ai encore la manie de m'acheter du fort puis avoir aucun frein. Je bois pas trop bien, fuck it, donne-moi ta quai. Je bois comme un chien, je bois comme un chien. Wouf, les couleurs, je respire plus de toxique qu'un éboueur. Bang, ça rentre entre les oreilles comme des écouteurs. Je vois un joint pis j'écume, je l'allume pis je le fume. Je respire plus d'air mais de la brume. Même si c'est pas bien, ben je m'assume. Laisse-moi dans ma bulle, que je me brûle les cellules. En soustraction constante, mon quotidien est rendu nul. Ouais, je fume des joints, c'est un point. Un bien grand besoin, craint par certains. Un bon matin, je vais me réveiller avec l'idée d'arrêter sans la respecter. Je vais continuer d'égrener, de rouler pis de fumer. Personne peut m'arrêter, j'aime fumer la nature, mais fait dur. Mais j'en ai rien à foutre, c'est sûr. Faudrait une camisole de force pis un gardien de sécurité. La volonté fait pas de différence, c'est la vérité. Vite, un buvard m'a viré dingue, donne-moi ta seringue. Amène la mescaline, quelque chose, mes narines, famine pour la farine. Ah, j'ai fini par me calmer, la tête croche. Mais s'il y en a un qui rit, m'a-t-il vergé. Avec mes yeux qui voient six, voient les choses. Du feu dans ma piste, j'ai tout sur ma liste. J'ai une frelatée, vieux cannabis. Mon système prend tout, mais c'est lui qui veut que je me décrisse. Ceux qui m'assistent dans mes débauches drop, ils pensent me battre, sont peu réalistes. Attends donc ma queue réagisse. Group, group, group, group. Elle pousse, mais t'es mieux t'habiller ma belle, parce qu'elle s'en vient farouche. La journée que j'ai arrêté de fumer, j'ai commencé à boire pour voir plus clair. Mais ça a l'air de faire contraire. Si boire la bière, je suis fier, m'a très souvent aidé dans la vie à faire des choix éclairés. J'aime l'effet, c'est vrai, je peux pas le renier. À cette heure, ma devise, c'est la bière en premier. Moi, j'ai la joie pendant que mon foie porte ma croix. Ma peine, je la noie, je bois pour un bonheur sournois. J'ai le droit, parce que si je suis pas chaud, je suis froid. La bouteille de sur mes lèvres comme d'assouet. Je vais pas arrêter de téléphone de bouteille. Je paye, fait que je serais bien mieux d'en profiter.